Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he definitely false. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la patate ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Cette nuit, j'ai rencontré Omar Bongo au bar du Meurice. Très vite, je lui ai conseillé un savoureux cocktail et direct, il m'a refilé 800 000 euros, dis donc. Mais depuis, je me couche nerveusement, mon ami. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, voyons voir, professeur Colin. Ce matin, notre dossier Epsilon numéro 23 se présente en tailleur. En tailleur ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Le Dalai Lama ? Ah non, non, pas vraiment. Encore que notre patiente ne bouda jamais son plaisir. Allons-y, professeur Colin, je vous la fais en 18 briques. Hein ? Non, je déconne, 3 suffiront, attention. Première brique. Couture. Couture ? Doigt sur la couture. Ah, ça, c'est le nouveau préfet de la Manche, sans doute, non ? Non, mais avec la Manche, on se rapproche. Attention, deuxième brique, justement, c'est Manche. Manche ? Manche à balai ? Kamel Wally, le chorégraphe, là ? Ah non, non, professeur Colin, Maurice Béjart, pourquoi pas, mais Kamel Wally, c'est beaucoup trop de talent pour nous. Et puis, de toute façon, notre patiente est une mademoiselle. Ah, ok, doc. Mademoiselle La Manche, c'est Coco Chanel, bien sûr. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors, allons-y. Étudions le cas de cette tailleuse de fripes. Maniez-vous le train, les petites mains, et faites défiler rond la peau le dossier de mademoiselle Chanel. Allez, Coco, à table. Eh bien voyons, vous allez me dire ce qui vous vient à l'esprit, une idée quelconque, si vague soit-elle, tout ce que vous voudrez. Je suis romanesque comme personne, vous comprenez ? Je suis plutôt sentimental qu'autre chose, et ce que personne ne croit. Ce qui est bien commode pour moi, parce que je peux juger tout le monde, parce que tout le monde me parle comme si j'étais un dragon. Vous comprenez ? Un tigre qui va vous sauter dessus, qui va vous manger. Je suis la personne la plus timide que vous avez rencontrée de votre existence, j'en suis sûr. Alors on vous dira que je suis quelqu'un qui a du toupet, que rien ne m'étonne, que je parle, que je... C'est pas vrai. Je parle par timidité les trois quarts du temps. Et aussi par gentillesse, parce que je ne vous connais pas. C'est très difficile que vous me faites faire là. Il s'agit là, n'en pas douter, d'une renaissance psychique. Oui, une renaissance psychique passionnante ce matin pour notre ministère. Alors comme ça, on est timide, mademoiselle Chanel. L'eusse-tu cru ? Remarquez, Émile Cioran nous a bien murmuré que la timidité... source inépuisable de malheur dans la vie pratique, est également la cause directe, voire unique, de toute richesse intérieure. Ainsi, au regard de votre créativité, Gabrielle Chanel, il est évident que votre timidité devait être fichtrement féroce. Mais bon, commençons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous tourne boule au cœur de la structure mentale de notre patiente. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui m'intrigue le plus dans le dossier de mademoiselle Chanel, c'est qu'elle est aujourd'hui plus que jamais considérée comme une vache sacrée dont il suffit simplement de prononcer le patronyme pour évoquer immédiatement l'univers d'un classicisme vestimentaire mémère. Et pourtant, sous la plume de Colette, la psyché de Coco Chanel semblait en réalité tout autre. Si chaque visage humain porte la ressemblance d'une bête à bec, à museau, à naseau, à mufle, à trompe, à crinière, mademoiselle Chanel est un petit taureau noir. De par l'énergie butée, la manière de faire face, d'écouter, par l'esprit de défense qui parfois lui barricade le visage, Chanel est un taureau noir. La touffe sombre, frisée, apanage des taurillons, retombe sur son front jusqu'à ses sourcils et danse à tout mouvement de sa tête. Mais alors, comment Mademoiselle Chanel est-elle passée d'une psychologie proche d'un petit taureau fougueux à celle d'une grosse vache sacrée, bon sang? Eh bien, durant 53 minutes, chers amis, essayons de décortiquer au mieux cet étrange dossier Gabrielle Chanel afin d'établir ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de cette prêtresse des Fashion Week recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patiente avant-gardiste et empirique par une déclaration masochiste et hystérique. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie et l'enfer. Deviens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Celui qui veut ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, force de l'amour. Et j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Oui, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Celui qui veut ma place, oui ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, en 1976, c'est Jean-Philippe Smet, alias Johnny, forçat de l'amour pour Gabrielle Bonheur Chanel, alias Coco. C'était une femme aux abois. C'était une femme qui cherchait la beauté, qui cherchait une espèce de perfection. Jusqu'à la dernière minute, car je crois que ce recommencement perpétuel qui fut le sien correspondait à quelque chose qui m'a infiniment touchée chez elle et qui était la peur de l'abandon. Cette femme était restée absolument vulnérable à son enfance. Et Chanel a été hanté par l'abandon de son père. Avant tout, le ministère psychique remercie vivement la psychanalyste Claude Delay de l'éclairante introduction qu'elle nous offre aujourd'hui, puisque nous portons toute notre attention ce matin sur la psychologie complexe de Mademoiselle Coco Chanel, un dossier à traiter sous toutes les coutures. La petite Gabrielle Bonheur Chanel est née à Saumur en 1883, mais orpheline de mère et abandonnée par son père, elle passe son enfance entre les murs d'un orphelinat à Aubazine, en Corrèze. La jeune fille se cherche, tâte même du music-hall, puis se lance dans la couture. Arrivée à Paris, elle se fait modiste dans un monde de la mode où dominent encore les jupons, les corsets et les robes à volant. C'est une époque où la femme est encore encombrée. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par sang je prends la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Eh oui, quand Coco Chanel se lance dans la création vestimentaire, le monde de la mode féminine est encore baigné de l'esprit du couturier Charles-Frédéric Vort. Car la femme n'est alors, pour le bourgeois engoncé dans sa redingote noire, qu'un moyen pratique et efficace pour étaler sa fortune. En gros, un très bel objet de distinction. Oui, mesdames des fleurs, voilà ce que vous êtes. Et comment en douter quand sous mes yeux vous faites le bouquet le plus enchanteur. Et si j'ose une périphrase à ce bouquet, il faut un vase comme il faut un cadre, au tableau, un globe à la pendule, un écrin, au joyau. Eh bien, cet écrin-là, et ce cadre, et ce globe, et ce vase où les fleurs ont encore plus de prix, quand il s'agit de vous, mesdames, c'est la robe, oui, c'est la robe de Paris, la seule au monde, la plus belle et la plus spirituelle aussi. Je vais vous la montrer sous des formes nouvelles. La belle robe, voilà ce qu'il faut montrer pour se distinguer dans la bourgeoisie possédante. A l'inverse, Coco Chanel a pour ambition que l'on oublie la robe pour regarder la femme. Car si l'on dit à une femme « quelle belle robe », c'est que sa robe est ratée. Mais si l'on dit « quelle belle femme », c'est que sa robe est réussie. Cet aphorisme devient le fil directeur qui bâtit la pratique de Coco Chanel. Du coup, la jeune modiste connaît assez vite le succès, tant ses créations se démarquent des canons de la mode du moment. Coco libère la femme et affranchit le corps de la rigueur du corset. Ses créations s'arrachent, ce qui l'oblige sans cesse à créer de nouvelles pièces. Et Coco, en plus de son formidable talent, possède la bosse du commerce. Elle ouvre plusieurs boutiques, un atelier mythique, rue Cambon à Paris, et elle diversifie son activité. En 1921, elle lance un parfum dont personne n'ignore le numéro et le succès se poursuit malgré la crise des années 30. Mais un amour nazi la pousse après-guerre à se retirer de la fashion creation. Coco se retire en Suisse, au calme donc. Mais à Paris, le monde de la mode ne s'endort pas car Dior veille. Et quand en 1954, Coco Chanel accepte de présenter une nouvelle collection, elle craint de se faire battre à plate couture, d'autant plus que l'attente est immense. Coco Chanel est de retour. Depuis 15 ans, les portes de l'empire de la mode Chanel étaient closes. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, elle met fin à l'exil qu'elle s'était elle-même imposé pour effectuer un retour des plus attendus. Le monde de la mode retient son souffle. Ce soir, la créatrice légendaire va dévoiler sa nouvelle collection, la dernière remontant à plus d'une dizaine d'années. Ils se battent pour entrer. Cocteau, Visconti, Dali, ils sont tous venus. Tous tes vieux amis. Et quelques vieux ennemis. Tante Coco, d'autres télégrammes viennent d'arriver. Vous resterez la plus grande à jamais, Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Seul le Parlement me prive du plaisir de venir vous saluer. Winston Churchill. Ah ben oui, hein. Il y a du beau monde autour de Coco qui draine dans son sillage toutes les belles femmes du moment. La nuit, Marilyn porte le numéro 5, et rien que le numéro 5, tandis qu'à Dallas, de sinistre mémoire, Jackie est en tailleur rose de chez Mademoiselle Chanel. Ainsi donc, la petite modiste du début du siècle est devenue la papesse de la mode, un parcours fascinant, comme l'atteste cet extrait de Paul Morand en 1976. Chanel était une bergère. Elle sentait bon la piste d'entraînement, la fenaison, le crottin, le cuir de bottes, le savon de céleri, le sous-bois. Notre siècle aura vu la revanche des bergères, dit le paysan parvenu. Avec Chanel, c'est cette promotion des filles en cotillons et souliers plats dont parle Marivaux, qui vont affronter les dangers de la ville en triompher, avec ce solide appétit de vengeance qui amorce les révolutions. Jeanne d'Arc aussi, c'est la révolution de la bergère. Chanel est de cette race-là. Elle disait: j'ai rendu au corps des femmes sa liberté. Ce corps suait dans des habits de parade, sous les dentelles, les corsets, les dessous, le rembourrage. cette belle dame sans merci allait inventer la pauvreté pour milliardaire. Jamais snobisme ne fut mieux dirigé contre lui-même. Paul Morand était le cadet de 5 ans de Coco Chanel et il mourut un lustre après la grande styliste à qui il dédia son dernier essai intitulé « L'allure de Chanel ». La vieille dame a quitté les podiums en 1971 dans la chambre du Ritz devenue sa maison. Elle était seule, très seule, elle qui libéra le corps de la femme, devenue grand-mère, aigre et autoritaire, quelque peu acariâtre, avec des soucis qui dépassaient sans doute la conception d'une nouvelle collection. À moins que ce soit les suppositoires qui m'aient donné la diarrhée. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Comment? Vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Je vais voir. Sacré Coco, véritable Jeanne d'Arc de la mode, elle a su bouter le corset du corps de la femme. Pourtant, issue d'un milieu populaire, qu'elle a cherché toute sa vie à dissimuler, et surtout à dépasser, Coco Chanel a fait preuve d'un syndrome d'hyperactivité qui l'a conduite ailleurs, bien sûr. Et, comme à chaque fois... Après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Mademoiselle Coco demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Coquelin, nous voici donc ce matin face au dossier compliqué d'une petite main devenue grande couturière, Coco Chanel. Bien sûr, vous le savez, professeur Coquelin, la psychanalyste Claude Delay, la dernière confidente de Coco Chanel, dans la biographie qu'elle lui a consacrée, nous explique que tout ce que fut Coco s'explique par son enfance. Ainsi, il faudrait voir dans le tailleur bleu marine, qui a fait le succès de Chanel, une résurgence tragique de l'uniforme du pensionnat dans lequel la petite Gabrielle a été élevée en Corrèze. D'ailleurs, d'après Claude Delay, ces années de pensionnat explique que Coco Chanel chercha toute sa vie à libérer la femme. Très bien, voilà une saine activité, libérer la femme. Bettencourt dans la jungle en tailleur Chanel rose se serait senti libre. Pourtant, une interrogation demeure. Quelle est l'origine de ce sobriquet Coco? Bien sûr, Coco évoque l'existence préembryonnaire de notre patiente, tant ce redoublement onomatopéique inspiré du cri de la poule que les enfants utilisent pour nommer un œuf, le coco, et que d'ailleurs ces petits cocos réclament pour se remplir le coco, autrement dit leur charmant gosier. Mais il est intéressant de constater que ce coco du langage enfantin porte en lui d'autres cocos, par exemple la noix de coco par similitude avec sa forme ovoïdale. Mais hélas, très vite, le petit coco mignon devient un vilain coco qui délaisse les cocos boers pour boire de la coco, cette mauvaise eau de vie, et même prendre de la coco, ou pire, devenir coco. Mais tout cela ne nous dit pas d'où vient le sobriquet de coco attribué à Mademoiselle Chanel. Oui, je sais, certains ont évoqué un passage au cabaret où la petite demoiselle Chanel chantait « Qui a vu Coco sur le Trocadéro ?» Mais cela est-il suffisant pour savoir d'où Coco vint? Oui, d'où Coco vint. D'ailleurs, à ce propos, deux écoles s'opposent. La première, sans doute la meilleure, privilégie une longue marinade pour attendrir la viande, tandis que la seconde, à mes yeux, quelque peu iconoclaste, propose de cuire directement la volaille. Mais ça, c'est tout juste bon pour une petite poulette, voire une gentille cocotte. Et dans ce cas-là, on est bien loin des drôles de coco, comme Monsieur Kouchner, qui n'est évidemment ni un spécialiste de la poule au pot, ni du coq au vin, mais qui connaît en ce moment une belle marinade. Lui, le grand maître de la tartarinade, il ne supporte pas les mazarinades, et il a bien du mal à dire, en parlant de Pierre Péan, « Il m'a serré ». Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente, authentique trouble psychique, voire très chic. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente qui toute sa vie se montra très sûre de son talent avec ses allures de patron. Pourtant, sous le tailleur, se cachait un cœur vulnérable. Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. Elle panique à l'idée d'être de trop ou de s'ennuyer un instant. Elle a peur que tu t'en ailles, peur de tes représailles. Elle a peur pour son petit frère, elle a peur, peur pour son derrière. T'aurais à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. Mademoiselle Chanel, eh bien, elle panique au ministère psychique. Trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Alors maintenant, après avoir analysé les grandes étapes existentielles qui ont façonné la structure mentale de notre patiente, il est temps dès à présent, me semble-t-il, de nous intéresser à certains aspects psychologiques un peu plus discrets, voire bien planqués, chez Mademoiselle Chanel. Certes, dans la lignée iconoclaste de Rose Bertin, la formidable modiste de Marie-Antoinette, Gabrielle Chanel incarne elle aussi le style français. Sobriété, élégance et confort, le sacro-saint triptyque de l'esprit Chanel. Seulement voilà, nous allons constater qu'après le 10 janvier 1971, la justice divine s'est chargée d'instruire son dossier sur certains points obscurs. Mais avant tout, que s'est-il passé le 10 janvier 1971 ? Eh bien, pour une fois, Coco Chanel a manqué de chance. Voyez-vous, c'est la chance que je remercierai toujours parce que c'est surtout la chance qui m'a aidé. C'est pour ça que je crois à la chance. Et pour avoir de la chance, il faut toujours bien penser de ce qu'on va faire et des autres et de tout le monde. On l'appelait Coco parce qu'elle aimait se lever au chant du coq. Elle avait une prédilection pour le tweed et le jersey, pour les objets de jade et de quartz rose. Le 5 était son chiffre porte-bonheur. Elle en fit un parfum célèbre. Vous avez sans doute reconnu la voix de Coco Chanel qui s'est éteinte hier soir dans son appartement de l'hôtel Ritz à Paris. Elle avait 87 ans. Oui, en 1971, à 87 balais, Coco a tiré sa révérence. Depuis 15 piges, elle squattait une suite du Ritz, car il suffisait simplement de traverser la place Vendôme pour rejoindre le 31 de la rue Cambon, le siège de la maison Chanel. C'était pratique, évidemment. Mais c'est à ce moment précis que les ennuis ont commencé pour la reine du tailleur. Car comme tout un chacun, au bout du tunnel, l'attendait l'austère Saint-Pierre. Et, après avoir rempli les formulaires célestes, Coco Chanel fut enfin convoquée pour le procès de son âme. L'archange, chargé de la conduire du vestibule au Tout-Puissant, s'aperçut primo que la réputation caractérielle de Gabrielle Chanel n'était point une rumeur au moment même où il l'interpella. Madame ? Pourquoi, vous en doutez ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai senti comme une raillerie dans la question. Ah non, pas du tout, non, c'était juste pour vous appeler, hein, vraiment. Vous m'appelez alors que je suis là ? Bon, disons que c'était pour attirer votre attention, quoi. Vous voulez dire par là que je suis inattentive ? Oh, vous êtes une vraie connasse, vous, là, hein ? Les connasses, des femmes qu'on reconnaît. Oh. Soyez polis, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Eh, ta gueule. Eh oh. Quoi ? En effet, l'arrivée de Gabrielle Chanel à la barre du tribunal divin fut pour le moins mouvementée. Mais le Père Tout-Puissant exigea rapidement le retour au calme, car à ses yeux, le moment était suffisamment grave. Cela dit, Mademoiselle Chanel ne comprenait pas vraiment l'enjeu de son procès. Attends, tout au plus avait-elle contribué à l'émancipation de la femme, ce qui pouvait sans doute froisser Dieu, mais bon, pour le reste, elle se sentait totalement à l'aise dans ses baskets, enfin, ses escarpins, quoi. Seulement voilà, le procès prit rapidement une autre tournure et Dieu exigea de Madame le procureur qu'elle expose la partie politique de cette instruction judiciaire. Ah, je vous vois venir. Non, elle est importante dans la mesure où le tournant qu'a pris Chanel est un peu étrange lorsque cette femme qui avait aimé Reverdy et qui, au fond, était une paysanne, ne le disait pas, mais était une paysanne, avait un père qui était camelot, mercelot, vendeur dans les foires. C'est tout à coup, a fait ce qu'appelle Colette lorsqu'elle parle d'un personnage et qu'elle dit tout à coup, il a pris sa sale gueule de chien qui se met à chasser avec les loups. Chanel, tout à coup, s'est retournée contre sa classe et sociale, qu'elle n'avouait pas, et est devenue une femme, peut-être se battant pour l'argent, le capital, son affaire contre ses ouvriers, mais je veux dire, voilà, j'ai voulu la décrire comme elle était, je l'aime quand même beaucoup. Notre accusé s'indigna de ce soi-disant procès stalinien, mais les voies du Seigneur, comme chacun sait, sont impénétrables, à la différence de Coco, et la trahison de son milieu social fut la première accusation retenue contre Mademoiselle Chanel. Le poète-cinéaste Pasolini n'a-t-il pas écrit justement que la trahison de son milieu social est bien plus grave que de nombreux péchés ? Et pourtant, ce fut bien moins grave en réalité que la deuxième inculpation contre Coco Chanel, à savoir haute trahison au profit des forces du mal. Car figure-toi qu'entre 1941 et 1944, Mademoiselle Chanel fut la compagne de Hans Günther von Dinklage, un officier nazi des services de renseignement. Carrément, le couple s'était tranquillement installé au Ritz, où il menait une vie douce et paisible et où Coco Chanel s'affairait à moderniser la garde-robe de son officier nazi. T'as été sûr pour la chemise ? J'ai l'impression qu'elle boudine un petit peu. Mais arrête, Dark, elle te va super bien. Oui, mais non, mais le rose, ça me va pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ma couleur. Là, regarde, je suis tout boudiné. Oh là, j'aurais pas dû prendre ces éclairs et tout. C'est la boulangère, elle arrête pas de me faire avaler des trucs et tout. J'arrive pas à lui dire non. Mais Dark, mais dis-le la prochaine fois. Non, merci, je prends pas les éclairs. Oui, t'as raison, faut que je sois un peu plus ferme. Je prenne sur moi, merde. Évidemment, Dieu Tout-Puissant fut outré devant une telle nouvelle et il s'inquiéta de savoir pour quelle raison Mademoiselle Chanel n'avait pas eu à subir la justice des hommes à la Libération, bon sang. Madame le procureur lui répondit alors que Mademoiselle Chanel avait été plus que protégée par son amitié rapprochée avec Winston Churchill. Dieu fut scandalisé, presque autant qu'il ne l'est aujourd'hui devant son pape qui fricote avec les négationnistes. Au passage, il paraît que Dieu l'attend de pied ferme, celui-là, et la rumeur dans les coursives du tribunal céleste murmure même que Ben Sixtine pourrait bien avoir chaud aux miches. Enfin bon, revenons au procès divin de Mademoiselle Chanel, qui commençait à comprendre que ça sentait le roussi. D'autant qu'une troisième inculpation fut déballée sur le tapis, à savoir atteintes aux bonnes mœurs. Alors là, forcément, devant le puritanisme de Dieu, tu prends cher. Accusée d'immoralité, donc, par le biais de pratiques cavalières qu'elle enseignait à ses amis dans l'hilarité générale. Tout est question de chance. Mais non. Non, attends, c'est quoi la chance? Bon, vous prenez un gars. Ouais. Son plaisir, c'est qu'on s'asseye sur lui. C'est sérieux. Qu'une femme nue lui monte dessus et le fasse courir dans toute la pièce en enfonçant ses éperons dans son... Son quoi? Dans son flanc. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre peut-être 50 femmes à qui il dit ça, et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'évanouissent ou elles rient? Ou les deux. Et après, elles meurent. Il y a peut-être quelques bonnes joueuses, vous voyez, qui acceptent pour lui faire plaisir, mais tôt ou tard, elles vont se poser la question. Qu'est-ce que je fais sur le dos de cet homme? Mes éperons commencent, enfin, c'est moussé. Oui, il y a son flanc. Bien joué. Il rencontre une femme qui trouve un plaisir érotique à mettre des éperons et à chevaucher des hommes. C'est un mariage béni du ciel, le bonheur suprême. Eureka! Alors, que dire de cette passion chez Mademoiselle Chanel de chevaucher les hommes, qui plus est, à coups d'éperon? Eh bien, afin de mieux comprendre cette obsession psychologique de notre patiente, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle fut l'origine de cette passion chevaline. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble les conclusions de son enquête sur Coco Chanel et les canassons. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Chérie, professeur, pardon. Si je vous dis Chanel, vous pensez tout de suite luxe, raffinement, élégance. C'est bien ça? Eh bien, détrompez-vous, car ce n'est pas le tailleur Chanel qui fait le moine, mais bien la BCBG Kato. Alors qu'à ses débuts, Gabrielle Chanel était loin d'en être une. Jusque vers 1925-30, elle était considérée infréquentable, ou à peu près. Et donc, premier échec pour Coco Chanel. Et puis surtout, elle avait derrière elle cette vie irrégulière, avec au moins deux hommes affichés. Elle n'était pas saluable en province. On n'aurait pas salué. D'ailleurs, lorsqu'elle allait aux courses avec un de ses galants, le galant allait au pesage et l'a laissé sur la pelouse. Et oui, Coco Chanel a commencé sa carrière en faisant la pelouse, en arpentant les sentiers des hippodromes, bien sûr. Mais sa passion pour le cheval est sincère et remonte à sa plus tendre enfance, l'âge auquel on aime les dauphins et les chatons dans des petits paniers en osier. Quand j'étais petite, j'allais en vacances chez mes grands-parents. Il y avait des poneys dans le champ d'à côté et je faisais semblant qu'ils étaient à moi. Alors là, en français dans le texte, n'est-ce pas, ça veut dire... Dès ma plus tendre enfance, je vouais une passion incommensurable pour l'espèce des équidés. Et question cheval, Gabrielle Chanel est une tête de mule et sait faire preuve de persévérance pour intégrer ce milieu très fermé. Tu n'es venue qu'une fois à l'atelier et tu te prends déjà pour une grande experte. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cheval a sa queue en panache? C'est facile, ça peut être une manière de faire le beau face à une jument ou c'est parce que l'exercice lui plaît. Eh oui. À cette époque de la vie, il y a des coups de cravache qui se perdent. Mais Mademoiselle s'entraîne sans relâche, obtient son galop 4, son poney de bronze, sa jument d'argent, et tente le tout pour le tout en concourant pour le cheval d'or. Allez, Coco! Mais avec classe, tout de même. Et maintenant, en piste, la révélation de cette année 1908, Mademoiselle Gabrielle Chanel, qui monte virulente, celle française d'1m75 au garrot, 120 de tour de poitrail et 90 de tour de hanche. La monture de notre jeune cavalière arbore une robe alezane cuivrée, s'accordant ainsi parfaitement au tout nouveau Spencer anthracite de Mademoiselle. La jeune femme va tenter un enchaînement rivière auxerre vertical tout en osant le port d'un jodhpur beige en jersey surpiqué. Le temps qui lui est accordé est court, mais la cavalière réussit à franchir les obstacles dans un style très sportswear. Une tendance est lancée. Place désormais à la reconnaissance. Hippipisme, hurrah pour Coco Chanel. Et il est fort à parier que Mademoiselle ira loin dans sa course au succès. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voici mon choix pour le prix de Diane qui sera disputé cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly. Je sens particulièrement le numéro 5, Rose Verte. C'est une jument qui vient de très très bien courir et elle peut s'y illustrer. Vous retrouvez bien entendu des renseignements complémentaires dès maintenant sur votre télégraphe en composant le 3230, étoile et choix 6. Il va y avoir une surprise, il y aura au moins 25 contre 1. Pourquoi? Parce qu'elle va gagner. Je n'ai pas vu de pouliche comme ça depuis l'avant-hier. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête consacrée à la passion équestre de cette mademoiselle Chanel qui, au sujet des hommes, a toujours eu les talons dans l'estomac. Alors, au final, bien sûr, notre patiente fut condamnée par le tribunal céleste à quelques semaines de purgatoire avant de rejoindre l'enfer, qu'est le paradis, bien sûr. Et pour clore ce chapitre, ajoutons tout de même que l'esprit de Mademoiselle Chanel, même morte et enterrée, n'a jamais réellement quitté sa boutique. Dites-moi, Karl Lagerfeld, est-ce que l'ombre de Mademoiselle plane toujours, rue Cambon ? Je la fais planer juste ce qu'il faut. Oui ? Oui, oui, c'est ce qu'il faut. Je trouve ça bien parce qu'elle a quand même inventé un look et un esprit qui se projette sur toutes les différentes époques. Il faut ne pas dire Chanel, c'est ça et ça ne peut pas bouger. Parce qu'en matière de mode, la tradition, c'est une poussière épouvantable qui tue. Oui, alors imaginons Coco Chanel revenant par surprise au mois de juillet 1985 rue Cambon. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle pique une crise. Elle fait oh, oh, oh, oh. Bien, alors Christiane, vous avez vu cette collection Chanel? Oui, alors justement, Chanel. Quelle alors, surprise qu'est-ce que vous avez pour Mademoiselle Chanel, et je dirais même pour les clientes hier, hein, elles ouvraient de grands yeux écarquillés en disant « Mais mon Dieu, que se passe-t-il » Alors c'est-à-dire qu'on a vu défiler du Chanel, du vrai Chanel, vous connaissez les petites robes, les tailleurs, mais voilà, 20 cm au-dessus du genou, bien moulante, les fesses, disons-le, bien marquées, ouais. Les mannequins se déhanchaient, faisaient tournoyer leurs sacs, arrivaient même avec une cigarette sur le podium. Que se passe-t-il là? Mais c'est comme ça aujourd'hui. Et la haute couture n'est plus le côté, la grosse dame qui ne rentre pas dans une robe prête à porter doit se faire une robe sur mesure, c'est plus ça du tout. C'est des femmes jeunes, impeccables, belles et... Et riches. Pas vraiment pauvres. Alors, ce n'est une surprise pour personne. C'est bien Karl Lagerfeld qui fait encore planer aujourd'hui l'ombre de Coco Chanel rue Cambon. Eh bien, toujours dans ce registre des survivances, essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de localiser les autres influences contemporaines des obsessions névrotiques de notre patiente modes et travaux pratiques. Car il est évident, devant l'arrogance bourgeoise du double C plaqué sur les sacs matelassés, que la psyché de Coco Chanel connaît quelques résurgences. Et bien sûr, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. En effet, Mademoiselle Chanel n'échappera pas à notre moulinette loufdingue et pour ce faire, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les échos chanéliens au cœur de notre histoire récente. Alors professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette petite fable où nous retrouverons primo Karl Lagerfeld, mais aussi Coco Chanel et ses deux plus chics ambassadrices, Bernadette Chirac, le pied de poule, et Roselyne Bachelot, le rose bonbon. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je vous demanderai de vous arrêter une petite seconde. Il est important de mettre les choses au point immédiatement. J'ai appris à mes dépens qu'il valait mieux en parler au départ. Vous allez donc travailler pour moi. Vous me comprenez? Je viens de vous le dire. On est bien content que vous soyez là. Ce qu'il faut donner, c'est l'idée de Chanel, sans que ça soit un vieux ringard pour les musées. C'est pas pour habiller des gens ivres de passéisme ou des mémés qui ne comptent pas pour la mode. Vous me demandez ce que je ferais si j'étais... La femme du président. La femme du président de la République. Vous savez d'où viennent les rêves, bien sûr. Je resterai certainement fidèle à mon caractère, c'est-à-dire une nature extrêmement réservée et discrète. ce sont les neurones qui envoient les impulsions de fort voltage qui vont imprégner le cerveau. J'accomplirai bien entendu le rôle de représentation qui est demandé à la femme du président de la République, quel qu'il soit. Ces impulsions deviennent des images, les images deviennent ensuite des rêves. On savait très Chanel, mais elle ne faisait jamais cette silhouette, mais ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, c'est comme ça, parce qu'on a envie de ça. Mais personne ne sait pourquoi nous classons ces photos en particulier. Le style Chanel est descendu dans la rue, est-ce que vous en êtes satisfaite ? Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation, il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Et je crois être parvenu à ça. C'est pour les femmes d'aujourd'hui, c'est pour la vie d'aujourd'hui. Il faut que je vous parle du rêve que j'ai fait cette nuit. Les limites que je me suis fixées, ce sont d'abord les limites de la dignité. Je ne mettrai pas nu à l'écran, mais je suppose qu'hélas, on ne me le demanderait pas. Qui sait ? Maintenant, on fait dans le trash. En fait, mon rêve est un code, il faut le déchiffrer maintenant. Pourquoi les médias finissent par ne plus s'intéresser au contenu du discours politique ? Notre travail est simple, il faut déchiffrer le code pour résoudre l'affaire. Je pense qu'elle est un peu démodée. Déjà ? Elle a déjà une semaine. Que lui reprochez-vous ? De l'avoir trop vue. À votre place, j'aurais une peur bleue de m'endormir le soir. Eh oui, triste sort pour Coco, car il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où Chanel, c'était chic et cher. Mais désormais, c'est encore plus cher et surtout, c'est devenu mes mères. Et vois-tu, malheureusement, c'est l'observation globale qui ressort de nos investigations sur les résurgences contemporaines de Mademoiselle Chanel. Pauvre Coco, elle était une créatrice avant-gardiste. Ils en ont fait une vestale du classicisme ringard. C'est là la force des classes dominantes que de savoir phagocyter les marges. D'ailleurs, aucun créateur de mode n'y échappe. La norme finit toujours par les rattraper. Cécilia et Rachida sont des amis pour la vie. Dans l'épisode précédent, Rachida tentait de faire sortir son amie Cécilia de chez elle. Salut Dada! Oh salut Cécé! Oh je suis contente de te voir! Ah tu sais quoi? On a failli pas se voir. Nicolas, il a voulu m'emmener avec lui en Bulgarie. Quoi? En pleine Fashion Week? Mais il est malade! Attends! Pour rien au monde, j'arrêterai le défilé de John Galliano. Tu viens avec moi? Oh je sais pas si j'ai le temps, j'ai du boulot. Oh mais si, souviens-toi! On est les meilleurs amis du monde! Ah, oui, c'est vrai! J'avais oublié, on a le même bracelet. Le soleil. Eh oui, c'est ça le merveilleux univers de la mode. Un jour tu es au sommet et le lendemain tu n'existes plus. Cécilia, elle a déjà disparu et Rachida, elle en prend le chemin. Et à ce propos, Coco Chanel savait mieux que personne qu'être dans le vent, c'est avant tout l'ambition d'une feuille morte. Mais alors, quel style aurait bien pu développer aujourd'hui Mademoiselle Coco pour rester la prêtresse de l'avant-garde et surtout pour éviter qu'elle ne soit récupérée par les esprits grossiers? Eh bien, quelque peu téméraire, nous avons tenté ce matin au ministère psychique de ressusciter la fine gâchette de la haute couture. Alors découvrons ensemble cette nouvelle collection post-moderne qu'aurait inventée une Mademoiselle Chanel en ce début de siècle. Ce soir autour de vous, des étudiants et stylistes dans le métier de la mode, S-Mode. Qu'est-ce qui fait que, alors que vous n'étiez justement pas du tout dans l'univers de la mode et de la couture, finalement la beauté, la fragilité, l'érotisme qu'on trouve dans vos livres, vous avez voulu l'exprimer par le tissu, par la maille, par l'étoffe? Je suis grunge. Profondément grunge. Mais il faut bien se connaître. Vous dites souvent aussi que les femmes, vous êtes frappées par le fait, ou qu'elles ne se connaissent pas, en tout cas qu'elles ne portent pas ce qui leur va. J'ai même essayé New Wave. Mais pas trop longtemps, parce que je déprimais mon mari. Habillé tout en noir, avec les cheveux dressés sur la tête, il avait l'impression de vivre avec un corbeau sous Prozac. Et vous pensez aux ventes ou pas? Ah non, moi ce que j'aime avec le grunge, c'est que ça rassemble toute une communauté d'esprits autour d'un même désir de dire « fuck » à la culture hégémonique de la beatbox. Comment est-ce qu'on arrive à rester une entreprise familiale avec un tel développement, parce que vous êtes présent partout dans le monde? En 62, avec ma sœur Geneviève et une de mes amies du club Reader's Digest, on a monté un groupe vachement visionnaire. Les pisseuses, même, qu'on s'appelait. Ça en a fait de la casse à la salle des fêtes décorée en Verdunois-sur-Saône. Pendant nos concerts, on incitait les filles à ne plus porter de culottes. Oh, le scandale! Les boutiques de lingerie voulaient nous brûler vives! Est-ce que vous vous sentez le porte-parole d'un certain type de femme? Mais je m'en fous! Car aujourd'hui, je suis grunge! Qu'est-ce que vous pensez, à propos du thème de la mode du vintage, qui aujourd'hui, est-ce que c'est un ressort pour le manque d'imagination que de regarder ce qui se faisait dans les années 60 et de recommencer? Je suis grunge, pas funk, punk, rap, reggae. Ce Marlou de Marley, quel délire quand j'y repense! Il a dû me faire fumer l'équivalent de la récolte annuelle de chanvre du Poitou-Charentes en 3 jours de temps. Merci infiniment de cet exercice de transmission très délicieux dans le ton. Crois-tu que cette nouvelle collection Chanel Grunge pourrait intéresser la classe dominante? Allez, sous le soleil, là. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines de notre patiente, revenons par chez nous, dans notre atelier haute couture de la Trépanation, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et recousu 2 fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques chaneliennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement loufdingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Coco. Moi, j'ai des pompes en croco. Je suis à la mode de Caen, comme les tripes. Ouais, Coco, tu sais manier les ciseaux, découper un patron, enfoncer des aiguilles et faire des boutonnières. Ouais, on applaudit Coco, la reine du gore. Tu as dit, le bonheur n'est pas ici, le bonheur est ailleurs, Chanel. Ouais, Coco, souvent imité, rarement égalé. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Ouais, ton parfum numéro 5, c'est pas Torture-moi de chez Massu, non. Ni Gang Bang de chez Dorcel, non. Encore moins Plein les fouilles de chez Madoff, non. Faut pas confondre Coco Chanel et Caca Charel. Allez Coco, je te laisse. Remets ta petite robe noire à 20 000 boules. Moi je garde le slip blanc à 2 boules. Et sans rancune Coco, car comme dit le proverbe, Noël au balcon, pas qu'au rabanne. Trop con. Is my